Le couss, la couss, sous Grégousse. Le couss, dans le douce. Le douce, le couss, la couss. Le couss, la couss, sous Grégousse. Le couss, dans le douce. Le douce, le couss, la couss. J'prends le monde, je retourne, je les baisse. Une jalouse, t'aimes si je les baisse. Va dire au patron qui passe à la caisse. Cette année, j'pète tout, on s'en fout que tu pèses. J'ai traficanté. Ça t'écoute en balle. Oh là là là là là là. J'fais le tour de la ville. Ça m'écoute Marseille à Paname. Loin dans les îles. Le couss, la couss, sous Grégousse. Le couss, le couss, la couss, sous Grégousse. Le couss. La la la la la la la la. Loin dans les îles. La la la la la la la la. Loin dans les îles. Écoute.